te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, en onde pour une autre super émission très, très chargée cette semaine. On va vous expliquer pourquoi, en fait, parce qu'on a beaucoup de nos chroniqueurs qui vont être avec nous live et non, vous allez voir, là, on a évidemment M. Diego Lamanna qui va être là, que j'ai enregistré l'entrevue hier, avec qui on a parlé du film indépendant, en fait, du film documentaire Indie Game The Movie. On va vous parler de ça un peu plus loin dans l'émission. On va parler avec Chantal Campagna tout de suite après la première chanson pour nous parler du salon du jeu de SN, donc le salon de l'année, si vous voulez parler jeu de plateau, jeu de société. Et on va vous parler de nouvelles ludiques également. Et on va parler avec M. Luc Biron en deuxième heure pour vous parler de Janimé 2014 qui s'en vient à grands pas. On a pensé vous faire un petit rappel pour une des super bonnes conventions qui se passe au Québec et à laquelle Puissance Maximale est là à chaque année. Mon nom est Michel Michaud, votre animateur. Content d'être là cette semaine, accompagné de mon collègue de toujours, M. Andrew Castegan à la console. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien, M. Michaud. Grosse semaine de jeu de ton côté? Pas si pire, on reste tranquille, on a plein de choses à faire, je travaille pour Geekfest, je travaille pour Puissance Maximale, je travaille à gauche et à droite. Puis en plus, t'as ton emploi pour payer ton pain et ton beurre. En plus, il faut le rappeler, là, nous, si on pouvait faire Puissance Maximale à la semaine longue puis être payé pour, on le ferait, ça c'est sûr et certain. Mais là, en attendant, on est obligé de faire notre petit bout de chemin là, les jours de semaine, comme tout le monde, malheureusement. Et en plus, on a Marie-Camille Carrier en studio. Salut Marie-Camille. Allô. Qui vient faire son tour comme depuis un petit bout. Exactement. Tu vois rien de nous parler de spécial, mais on va parler comme ça à travers l'émission là pour dire des commentaires plus ou moins pertinents. C'est ça ma spécialité. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller chercher nos anciennes émissions, podcasts et autres. On vous rappelle également que vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Là-bas, vous appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et aussi parce qu'on veut que vous propagiez. Tellement facile. Répandre la peste. C'est quand même une grosse journée de travail dans le corps, là. Puis tu passes la journée à parler au téléphone. Tu le sais, Andrew, passer la journée au téléphone, là. Marc-Camille aussi. Je le sais plus que lui. Tout le monde ici. Bref. Attends un peu. Faut que je mette quelque chose au clair, là. Madame transfère des appels, moi je règle des problèmes. Moi je fais les deux. Ouais, mais ils sont défoulés sous moi avant de te parler. Ah. Voilà, le poteau rouge. Non, parce que les appels passent pas par toi avant. Donc, on vous rappelle la page de Puissance Maximale sur Facebook. Vous appuyez sur « J'aime », vous propagez la bonne nouvelle geek. Et grâce à ça, ben vous avez des nouvelles fraîches de l'émission et aussi des posts comiques et intéressants aussi tout au long de la semaine quand on voit des nouvelles ludiques passer. Et comme à notre habitude, on va commencer en musique. T'as oublié quelque chose, M. Michaud. Oui, tout à fait. Hey, le pire, c'est que j'ai souligné ça sur ma feuille, puis je le vois même pas. Je veux rappeler, parce que ça m'arrive souvent d'oublier, mais là, cette fois-ci, je n'oublierai pas. Je veux rappeler un événement ludique et aussi une campagne de financement très importante. Que j'ai sur en avant de moi. Oui. Parce que nous, on est geeks, même si on n'a pas Internet à la station. On s'est arrangé pour l'avoir. On s'est arrangé pour l'avoir. Grâce à la technologie. Fait que, cellulaire. Dans Vaudan, secteur 51, on est plus technophile que vous pensiez. Donc, vous irez aller sur la page Facebook. Andrew va s'occuper de placer le lien. Il me regarde, mais oui, tu vas faire ça, Andrew. Le lien d'une campagne de financement pour Isabelle Drolet et sa compagnie Putré Fashion qui fait des vêtements à saveur. Comment je pourrais décrire ça? C'est gothique mis au goût du jour. Ouais, puis tu sais, il y a une petite saveur geek à travers tout ça. Donc, allez l'encourager parce qu'elle fait vraiment des beaux vêtements, mais aussi parce qu'elle veut avoir une boutique. Elle veut s'ouvrir une boutique, donc avoir un pignon sur rue pour pouvoir vendre ses vêtements et aussi un endroit pour travailler, parler aux gens, les rencontrer souvent. Parce qu'elle se déplace souvent dans les conventions à Québec et ailleurs, mais toujours le fun d'avoir un pied à terre. De façon physique, là, pour pouvoir avoir les consommateurs tous les jours, ben, est en train de faire une campagne de financement et Andrew va mettre ça sur la page Facebook. On l'a vu d'ailleurs, je vais en parler aussi pendant l'émission, là, un retour sur l'activité où on est allé, Andrew et moi, samedi dernier, du Fanamanga, activité d'Halloween. C'est là qu'on l'a vu. Elle a fait un défilé très, très, très fun en plus. Donc, allez voir ça sur la page Facebook. Et aussi en fin de semaine, donc dimanche, il y a la Foire Geek de Québec qui va se passer à Québec, bien évidemment, au centre de loisirs Montcalm, si je me rappelle bien. Encore là, Andrew pourra mettre le lien sur la page Facebook. C'est la bitch à mettre des liens. Ouais, tu m'en demandes pas mal. C'est toi qui l'as dit en avant de toi. Hey, c'est un Mac, là. Oh. Le clavier est pas pareil. Le clavier est mou. Non, le clavier, les accents sont bizarres là-dessus. Ah. Puis il faut faire CMDC pour copier. D'accord. Donc voilà, Foire Geek, si vous voulez aller voir des artisans du monde ludique, entre autres, mais aussi de plein d'univers geek, ben allez-y, vous pourrez acheter des trucs faits maison, il va y avoir plein de gens. Nous autres, on va être là, en tout cas, si vous voulez voir l'équipe de Puissance Maximale, on va aller faire un tour, puis on salue en même temps Pink Vivi, notre amie artisane qui donne à peu près toutes les conventions au Québec, même les plus obscures, et elle est là, puis elle a des cadeaux pour nous autres, là, elle nous a dit ça l'autre fois sur Internet, donc on va être là pour aller chercher ça, mais aussi, surtout, en fait, pour la saluer. Alors, on pensait qu'on allait juste pour ça. Non, c'est ça, on rentre, on en ressort, et voilà, c'est terminé. Donc, on va aller chercher ça, mais on va aussi voir l'événement, puis venez nous parler, si vous voulez venir rencontrer vos gentils animateurs et chroniqueurs de Puissance Maximale, ben, Andrew et moi, nous serons là dimanche prochain. Voir l'envers du carton pour l'envers du décor pour voir que vous n'êtes pas fait en carton. Non, voilà. je pensais que tu allais dire si vous voulez voir un roux. Ben aussi, là, si vous n'avez pas de roux dans votre vie puis ça vous manque, Andrew sera là pour vous accueillir et vous saluer et même me donner des câlins gratuits. What does the roux say? Ah non, on commencera pas ça. Ben justement, là, parlant de musique, ben on va y aller en musique et on va y aller avec. Ben là, Andrew, t'es-tu prêt? Ben là. Je viens d'écrire Puissance Maximale sera présent à Foire Geek, tatati, et vous, point d'exclamation, bon, point d'interrogation. Ça arrive, là, pendant la musique, là, entre deux. Non, mais c'est fait. Ah, ouais, OK, voilà. Donc, on va aller en musique, justement, avec le groupe Justine et Séverin et la chanson « J'aime bien la bouteille ». Et on se l'est prouvé, en tout cas, les trois ici, M. Materne et autres fans de l'émission. Il y a juste moi, là. Vendredi passé, on a confirmé qu'on aimait bien la bouteille. Ben, normalement, moi aussi, mais... Vous savez, je suis un homme responsable. T'étais surtout très fatigué. Il n'y a pas ça, juste ça. C'est juste parce que je conduisais tout de même. Oui, puis grâce à toi, j'ai pu revenir à la maison et cuver mon vin tout seul dans la déchéance. Merci beaucoup, Andrew, d'ailleurs. Et merci pour la demi-bouteille de whisky. Donc voilà, c'est dit. Donc, on retourne à la chanson qui s'appelle « J'aime la bouteille » du groupe Justine et Séverin. Excellent groupe, style traditionnel québécois. Si vous voulez vous chercher ça, leur album « Le barde à deux têtes », excellent album, puis on vous envoie ça dans vos oreilles à CJMD FM 96.9 à Lévis. Marcus et Alex, les deux snooze. Hey Joe, c'est quoi ça, les deux snooze? Deux snooze, c'est deux gars qui font de l'humour, sont excellents dans ce qu'ils font. Non, ils font pas de l'humour, ils font du divertissement. Font-tu de l'humour? Ah non, on fait du limit talk, c'est du talk, là. Semi-écrit... Puis penchant vers le drôle. Va falloir checker ça. OK, c'est quand ça, les deux snooze? C'est à 10h le soir, puis ne pas décrocher à 10h le soir, c'est dur, mais les autres réussissent à nous faire rester. Les deux snooze. Jeudi, 22h à minuit. tout en buvant. J'ai perdu ma casquette, tout en buvant. J'ai perdu ma cravate, tout en buvant. J'ai perdu ma casquette, tout en buvant. J'ai perdu ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. J'ai perdu ma chemise, tout en buvant. J'ai perdu ma cravate, tout en buvant. J'ai perdu ma chemise, tout en buvant. J'ai perdu ma cravate, ma chemise qui est si fine, ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. J'ai perdu mon paletot, tout en buvant. J'ai perdu mon gilet, tout en buvant. J'ai perdu mon paletot, tout en buvant. J'ai perdu mon gilet, mon paletot qui est si chaud, mon gilet si bien fait, ma chemise qui est si fine, ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. J'ai perdu ma culotte, tout en buvant. J'ai perdu mon caleçon, tout en buvant. J'ai perdu ma culotte, tout en buvant. J'ai perdu mon caleçon, ma culotte bien commode, mon caleçon qui est si long, mon paletot qui est si chaud, mon gilet si bien fait, ma chemise qui est si fine, ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. Tout en buvant, j'ai perdu mes souliers. Tout en buvant, j'ai perdu mes chaussettes. Tout en buvant, j'ai perdu mes souliers. Tout en buvant, j'ai perdu mes chaussettes, mes souliers bien ciré, mes chaussettes si bien faites, ma culotte bien commode, mon caleçon qui si lent, mon paletot qui si chaud, mon gilet si bien fait, ma chemise qui si fine, ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hé hey, hé, hey, le bon vin du matin. Mes chaussettes si bien faites, ma culotte bien commode, mon caleçon qui est si long, mon paletot qui est si chaud, mon gilet si bien fait, ma chemise qui est si fine, ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. Oh oh, j'aime bien la bouteille, hey, hey, le bon vin du matin. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après J'aime bien la bouteille de Justine et Séverin. Et là, là on a quelqu'un de, t'sais, d'important en ligne. Là, parce que là, on l'attendait depuis longtemps parce qu'elle revient de loin. Madame Chantal Campagnard de Distribution d'Oud. Salut Chantal, comment ça va? Ça va bien. Écoute, comment s'est passé ton salon du jeu à SN? Le salon du jeu de SN, c'était absolument fantastique, comme d'habitude. C'est 4 jours de jeu, c'est 150 000 personnes. C'est vraiment l'occasion, en plus, de toujours tomber sur des gens que tu connais du Québec, mais en Allemagne. C'était fabuleux. Et là, j'imagine justement que tu as joué à plein de trucs là-bas, là. Ben en fait, oui, on a le temps de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est un gros melting pot. Alors, le bon, le pouiche, le médiocre et l'excellent sont mélangés. Il faut faire la part des choses. Donc, la seule façon de le faire, c'est d'essayer. Donc, s'asseoir, essayer des choses. Et c'est quand même assez étonnant de voir comment il y a des gens qui croient à des choses que nous, on regarde et on fait, ben voyons, ça n'a aucun sens. Et vice-versa, à un moment donné, on tombe sur une merveille que personne d'autre a remarqué. Puis là, ben c'est le plaisir de partager puis de dire, hey, va voir ces gars-là, ils sont super géniaux et toute l'équipe. Puis voir vraiment le hype monter, c'est ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est une autre, c'est vraiment la beauté du salon aussi. Mais là, en fait, mais pour ceux qui ne connaissent pas le salon... J'entends très, très mal en passant. Je m'excuse. Non? OK. Bon, on va essayer de régler ça. L'Andrew, il va travailler là-dessus. Là. Est-ce que tu m'entends mieux? Mais en fait, je t'entends presque pas fort, là, mais ça va aller. Je vais me forcer. C'est bon. Sois concentré, Chantal. là, ça va. Là, c'est bon. Ah, excellent. Donc, voilà. Ben, en fait, ma question, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le salon de SN, est-ce que... C'est des jeux qui ont déjà été édités ou il y a vraiment de tout? Il y a des jeux édités, il y a des gens qui cherchent des éditeurs ou? C'est de tout. En fait, il va y avoir des grosses compagnies comme Hasbro, par exemple, vont être là, ou des grosses compagnies comme Gigamic, il y a Jumbo en Allemagne, tout ça. Eux vont avoir des kiosques avec leurs classiques pour attirer les gens et ils vont en profiter pour présenter les nouveautés aussi. En fait, le salon d'Essen en Allemagne, c'est un salon de Noël pour les Européens parce que eux, en fait, ils se font présenter les jeux qui vont être sur les tablettes pour Noël à partir d'octobre. Pour nous, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours un délai, mais on va retrouver vraiment un mélange des classiques, des jeux qui sont déjà édités et des nouveautés aussi qui s'en viennent. Ça nous permet aussi de rencontrer les auteurs parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont présents et qui essayent finalement de mousser leurs jeux, comme Bruno Catala est là chaque année. Cette année, on avait Eric Lang qui était très actif aussi. Mais il y a toujours, il y a Ludovic Maublanc, il y a Antoine Beauza, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français cette année. Donc, mais il y a beaucoup aussi, il y a des Allemands, comme Rainer Knizia est toujours là, il y a Rudiger Gorn qui est toujours, Dorn qui est toujours là. Il y a l'homme aux cheveux verts qui est toujours là aussi. Donc, c'est vraiment... Et on retrouve aussi des éditeurs étrangers, comme les éditeurs québécois, par exemple, Scorpion Masqué, qui va à Essen et qui se cherche des partenaires étrangers pour éditer ses jeux dans d'autres langues. Donc, c'est vraiment tout un mélange. C'est un bel endroit pour découvrir des jeux, mais aussi un bel endroit pour le réseautage. Ah, c'est pour le réseautage, absolument. C'est parce que c'est ouvert au public, en plus. En plus. Ça nous permet aussi de prendre vraiment le pouls. Parce que quand on est dans l'édition ou dans la distribution, parce qu'on n'est pas directement en contact avec le public, des fois, on perd un peu de vue l'intérêt. Et là, ça nous remet les pendules à l'heure. Là. Excellent. Et là, Chantal... Dans les trucs dont tu voulais nous parler aujourd'hui, j'ai vu passer ça justement sur Internet, puis j'espérais que tu allais nous en parler. Tu voulais nous parler du résultat des trois listes. Et donc, la question, encore une fois, là pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi les trois listes? La question qui tue. Alors, les trois listes, c'est quoi? C'est un prix d'excellence qui est décerné par une organisation qui s'appelle les Trois Listes. Donc, c'est un prix d'excellence québécois, finalement, qui récompense le meilleur jeu de l'année, à leur avis, évidemment, qui est disponible sur les tablettes québécoises depuis le début de l'année. Donc, les contraintes, c'est que ça doit être un jeu qui est édité en français et qui est disponible de façon grand public sur le territoire québécois. Donc, ils vont écarter là la petite curiosité importée de la France qu'on va retrouver à 12 copies là dans une boutique obscure. Ils veulent vraiment que les jeux primés puissent être disponibles pour tout le monde. Donc, cette année, ils ont récompensé trois jeux parce qu'il y a trois catégories. Alors, on retrouve le 3 listes pour enfants, le 3 listes grand public et le 3 listes passionnés. Parce que c'est impossible de prendre tous les jeux qu'on retrouve, toutes les nouveautés. On parle d'à peu près 500 nouveautés par année, seulement sur le marché québécois. Et ça, ça regroupe en toutes les importations de l'Europe francophone. Ça regroupe aussi tous les jeux québécois. Et cette année, il y avait un nouveau prix. C'est un prix d'excellence qui a été décerné à un auteur québécois. C'est en collaboration avec Archambault et ça s'appelle le prix de l'auteur. Et c'est un prix qui a été décerné à Pierre Bourque cette année, qui lui travaille avec Ludique Québec, entre autres pour le jeu Catapulte, et qui a aussi travaillé avec MJ Games pour le jeu Vizia. Et Vizia, c'est un jeu maintenant qui est diffusé en fait en licence à la grandeur de la planète. Donc ça, c'est vraiment superbe aussi. Excellent. Et là, c'est quoi les gagnants finalement des trois listes de cette année? Alors, le trois listes enfants, c'est Guideline Animaux qui a gagné. Donc, c'est vraiment un petit jeu où on va avoir des cartes d'animaux avec des catégories. C'est un peu trivia finalement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de placer notre animal à la bonne place dans la ligne de cartes. Donc, on va choisir est-ce que c'est le poids, est-ce que c'est la longévité, est-ce que c'est le pays, peu importe. Il y a plusieurs catégories derrière la carte. Et on va essayer de placer notre animal entre les deux bons animaux à la bonne place finalement dans la ligne. Pour ce qui est du jeu qui a gagné le 3 listes grand public, c'est un jeu qui s'appelle Las Vegas, qui est une production de Ravensburger dans leur ligne de Aléa. C'est extrêmement grand public. C'est un jeu de dés. Donc, c'est de la gestion de dés. On va lancer nos dés. On va essayer de les mettre à la bonne place dans un casino de Las Vegas. Et quand tout le monde va avoir placé leur dé, on va gagner les prix correspondants à nos majorités dans les jeux. Donc, c'est vraiment hyper facile. C'est très, très convivial. Les dés, tout le monde aime ça. Donc, ça ne nous étonne pas. Las Vegas de Ravensburger. Et puis, dans la catégorie trois listes passionnées, c'est Tolkien, le calendrier Maya, qui est édité par ILO en France, qui a gagné. Donc, c'est un jeu de gestion de travailleurs. On va se dire, oh, bof, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais au contraire, mon capitaine, c'est un jeu de placement de travailleurs dynamique. Donc, on va placer nos travailleurs sur une roue qui représente le calendrier Maya et la roue va tourner en cours de partie. On va devoir décider quand tirer nos marrons du feu, finalement, parce que plus nos travailleurs avancent dans la roue, plus ils deviennent privilégiés, sauf qu'il faut, à un moment donné, choisir, parce que quand on n'a plus de travailleurs à placer, on doit les ressortir et peut-être un peu avant le temps. Un tour de calendrier et c'est fini, c'est l'apocalypse. La personne avec le plus de points va gagner. Donc, c'est vraiment une mécanique qui est quand même assez novatrice en reprenant quelque chose de connu, mais en rajoutant quelque chose de très, très bien. Excellent. Et là, en plus, justement, des trois listes, tu as d'autres jeux dont tu veux nous parler. Est-ce que c'est des jeux que tu as découverts récemment ou c'est des trucs que tu connais ou que tu as vu à Essen? C'est des coups de cœur d'Essen. OK. Donc, parce qu'à Essen, on a eu le temps de jouer un peu. Alors, c'est sûr qu'on rencontre des gens, on jase un peu, on prend évidemment de la bonne bière, mais on se permet de jouer un peu. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est Bruxelles 1893. C'est un jeu qui est édité par Pearl Games en français et Z-Band Games en anglais. Et les joueurs vont incarner des artistes architectes qui vont faire la future renommée de Bruxelles. Donc, on sait, on voit tout de suite que ça va être un jeu qui va être magnifique. Donc, on va y gagner au passage la gloire et le prestige et ça va nous faire entrer dans l'histoire. Donc, une partie va se jouer en 5 manches. Donc, on a un peu le stress du temps et chaque manche va comprendre 4 phases. La bourse, les actions, la résolution et la fin du tour. C'est un jeu qui est désormais de simplicité, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, l'action marché va permettre de récupérer des matériaux de construction. La bourse va permettre de gagner de l'argent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et c'est un jeu relativement, je dirais pas historique, mais c'est basé sur la vague là, d'architecture qu'il y a eu à la fin du 19e siècle à Bruxelles. Donc, c'est un jeu qui est vraiment superbe, mais en même temps, il est vraiment très, très bon. C'est du placement de travailleurs, évidemment, mais il y a aussi des phases d'enchères, de la stratégie. Il y a vraiment tout jeu, là. Il est vraiment superbe. C'est un jeu qui est très, très long? C'est pas un jeu qui est très long. Les jeux de Pearl Games sont jamais très longs. Ça dure une heure et demie, parce que c'est seulement 5 tours. Ah, OK. Excellent. Et là, pour un autre jeu, tu voulais nous parler aussi de Lewis and Clark. Lewis and Clark, ça, c'est vraiment un coup de cœur. On en avait déjà parlé après la Gen Con parce que l'équipe de Ludonote était descendue à la Gen Con et avait fait des démos. Et là, à Essen, vraiment, ils ont cartonné comme on ne peut plus. Le samedi matin, ils étaient complètement sold out pour Lewis and Clark. C'est vraiment un jeu de toute beauté. Donc, dans Lewis and Clark, c'est pas Superman, là, c'est les explorateurs. On va prendre la tête d'une expédition, puis il faut être le premier à traverser le continent nord-américain pour se rendre à Saint-Louis. Alors, faut vraiment être un explorateur pour pouvoir se rendre, pour vouloir se rendre à Saint-Louis quand on sait que c'est un trou, là. Mais eux autres, ils savaient pas. Bon. Donc, là... Donc, l'objectif, c'est de faire avancer notre éclaireur, en fait, c'est notre équipe, notre expédition, sur les rivières et dans les montagnes, en essayant de gérer le mieux possible nos ressources qui sont disponibles. On se promène en canot, donc il faut pas avoir trop de ressources, comme le bois, la fourrure, l'équipement, la nourriture, tout ça, ça alourdit nos canots. Et quand on essaye de faire notre camp pour la nuit, ça va ralentir nos activités, donc les gens vont pouvoir nous dépasser à cause de ça. Donc, ce n'est pas du tout un jeu où on va vouloir accumuler plein de ressources, parce que ça donne rien. D'un autre côté, on va pouvoir aussi demander de l'aide aux Indiens qui sont dans le coin, qui sont gentils, parce qu'on les a pas encore antagonisés, n'est-ce pas? Et donc, ils vont pouvoir nous aider. Donc, c'est de la gestion d'action sur le plateau. Et une fois qu'une certaine action a été prise par un joueur, ben les autres joueurs ne pourront plus la prendre. Donc, il y a toujours un petit stress de savoir qu'est-ce que je fais. Je veux faire ça, mais je peux juste faire une chose. Donc, c'est un jeu qui est superbe. En plus, au niveau visuel, il est très, très beau. Au niveau historique, les personnages ont déjà existé. Donc, c'est un jeu qui nous en redonne là, à tous les tournants. Excellent. On a eu combien de joueurs pour ce jeu-là? C'est 2 à 5 joueurs. Excellent. Et là, il est temps de parler d'un autre jeu, parce que là, on en a tellement parlé, il faut enchaîner. L'aéropostale, qu'est-ce donc que c'est ça? L'aéropostale, j'en parle parce que ça, c'est un jeu qui est édité par Asynchron, et Asynchron, c'est des tripeux de jeux. Eux autres, ils font des jeux à grand déploiement, finalement, c'est des jeux d'épopée. Et celui-là n'échappe pas à la règle. Donc, Aéropostale, ça retrace l'épopée des premières compagnies aériennes de 1919 à 1939, notamment celle de l'Atécoair, que nous, on connaît pas du tout, mais les Français, eux autres, ils le connaissent bien. Et il y avait une ligne qui partait de la France pour rejoindre La Paz en Amérique du Sud. Donc, on est à la tête d'une compagnie aérienne et notre objectif, ça va être d'y donner le maximum de prestige. Sauf que la beauté du jeu, c'est qu'on peut vraiment choisir combien de temps on veut jouer, parce que c'est un jeu, c'est une boîte à scénarios. Donc, il y a 5 scénarios qui vont nous permettre de revivre, en fait, plusieurs épopées, différentes approches, différents temps aussi de jeu et différents objectifs. Donc, on va pouvoir vraiment explorer là, le jeu. On va passer à travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Donc, les belles années, finalement, de la France coloniale, mais d'un point de vue d'aéropostale, c'est vraiment de toute beauté. Donc, t'es vraiment dans les jeux historiques aujourd'hui, Chantal? Oui, hein? Surtout que j'allais dire le titre du prochain qui est SOS Titanic. SOS Titanic, oui. SOS Titanic, lui, en fait, ça, c'est un jeu coopératif. C'est hyper familial. C'est basé sur la mécanique du solitaire. Donc, c'est un solitaire qui est thématique et qui est très, très immersif, c'est le cas de le dire. Donc, on peut jouer en solo ou coopératif. On est l'équipage du Titanic et on essaie de sauver le plus de survivants possibles, de passagers possibles. Donc, le Titanic va couler. À notre tour, on va soit choisir de sauver directement des personnages ou on va utiliser des cartes d'action pour essayer d'aider l'équipe. C'est hyper facile, c'est super familial, mais au niveau visuel, c'est vraiment très, très beau. C'est une production de Ludonote et ils font toujours très, très attention au niveau graphique pour vraiment nous satisfaire. Ouais, j'entends ça, le genre de jeu, là, ça sonne partie rapide, ça, non? C'est des parties hyper rapides. Okay. Parce que en fait, le Titanic a coulé en 2 heures, mais on peut jouer le jeu en 20 minutes. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et là, on va parler d'un jeu, écoute, qu'on adore à Puissance Maximale et que toi aussi t'adores parce que je pense que tu nous en parles à toutes les chroniques que tu fais. Et on va parler de Zombicide. Hourra! Zombicide. Ben en fait, Zombicide, allô? Oui, on est toujours oui, là. Oui, excuse. En fait, Zombicide, il va avoir la saison 2. Qui va arriver au Québec, ça va être dans la vague des nouveautés du mois de novembre. Ça s'appelle saison 2 Prison Break. Oh yeah. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir 6 nouveaux survivants et qui vont aller s'installer dans une prison, qui vont décider de la nettoyer et pour rester là. Évidemment, dans la prison, ils vont trouver plein de zombies qui sont pas super contents. Ils vont devoir faire le ménage. Et il y a une nouvelle sorte de zombies qui vont être introduits qu'on appelle les berserkers. Et les berserkers, eux, ils sont comme super rapides. En fait, on ne peut pas les tuer avec des armes à distance. Ils ont comme une espèce de carapace, donc on doit absolument les tuer en faisant du corps à corps. Chainsaw. Donc, on va avoir évidemment l'introduction de nouvelles armes pour essayer d'être capable de les tuer. On a 9 nouvelles dalles de jeu, 9, on a 6 nouveaux survivants, plein de figurines. C'est un nouveau jeu de base qui peut aussi servir d'extension pour la première saison. Et on a l'introduction des hommes vivants. Donc, les survivants, quand ils meurent, peuvent revenir en super zombies, super héros avec des compétences spéciales qui sont différentes de leur alter ego vivant. Qu'est-ce qu'on fait ici? T'as pas joué à Zombicide? Pardon? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait à la radio, là, pas être en train de jouer à Zombicide Prison Break? Ça a l'air malade. Il faut juste qu'il arrive. Mais ça arrive au mois de novembre sur nos tablettes ici au Québec. Et avant ça, on va recevoir l'extension Toxic City Mall pour justement le jeu de Zombicide. C'est une extension, mais une grosse extension. On a 4 nouveaux survivants et on va avoir aussi des fiches de zombies vivants pour les 6 survivants de la boîte originale. Et là-dedans, on va avoir des nouvelles figurines de zombies toxiques. Donc, des fatties, des runners, des walkers, des abominations toxiques. Et en fait, eux autres, quand on les tue, il va comme avoir des émanations de vapeurs toxiques qui vont endommager les survivants qui sont dans la même case. Comme des gros pets, finalement, toxiques. Alors, ça va vraiment rajouter au jeu. Et ça, ce Toxic City Mall va avoir 10 scénarios qui vont s'intégrer soit avec le jeu de base ordinaire ou soit avec Prison Break. Donc, évidemment, des nouvelles fiches d'identité, des pions, des cartes de zombies, des cartes d'équipement. Alors, quand je vous dis lance-flammes, qu'est-ce que vous entendez? Toasty! Ça sent le cochon. Donc, ça va être... Toxic City Mall, ça va sortir la semaine prochaine sur nos tablettes. Oh, que moi, je regarde un monsieur Castegan. Là, mais ça va prendre des tables plus grosses. Parce que là, si on finit qu'on joue avec le jeu originel, le deuxième, plus le mall, ça ne fit plus ces tables. Ben, on va s'ouvrir un magasin de meubles. Ah, avec des grandes tables. Où on va à Découverte Jeu à Québec. Ils sont tous équipés pour nous accueillir. On va à Découverte Jeu. Vous allez aussi avoir un nouveau pub de jeu à partir du mois de janvier qui s'appelle La Revanche. Oh yes! Ça, on a hâte d'y être aussi. Puissance Maximale va aller faire son tour. Ça, c'est sûr et certain. Ben, Distribution d'Aude aussi, c'est sûr et certain. On s'appellera, on ira prendre une bière, Chantal. Ah ben, puis on jouera une game de Zombicide. Gare! Et là, avant qu'on te laisse, Chantal, moi, j'ai une question à propos de Prison Break. Oui. Est-ce que, vu que tu me dis que ça va pouvoir compléter aussi le jeu de base, est-ce que ça veut dire qu'on peut rajouter des joueurs? Est-ce que le nombre de joueurs peut augmenter, vu qu'il y a plusieurs survivants jouent à 12, genre? Ça se peut-tu?

c'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ces nuées de Jean-Claude Godin, Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les empoiles. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes, renverse les credos qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souple, roque sous une armure du soldat le plus dur de l'Empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Attends-toi un peu vers la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force. Oui, la force. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. CJMD 96.9, la seule station sur la rive sud. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une nouvelle chronique académique avec M. Diego Lamana. Et cette semaine, on va parler cinéma. Salut Diego, comment ça va? Salut Michael, très bien. Oui, en plus des jeux vidéo, une autre de mes passions académiques, c'est le documentaire. Donc aujourd'hui, je rejoins les deux dans un documentaire Indie Game The Movie de 2012, réalisé par Lisanne Pajot et James Swirsky. Et là, quel genre de film que c'est, Diego? Est-ce qu'on suit l'évolution du développement d'un jeu ou est-ce qu'on nous parle de l'industrie en général? De quoi ça parle, ce documentaire-là? Le documentaire est essentiellement axé sur les créateurs de jeux vidéo indépendants. Donc, pour ce faire, les réalisateurs ont choisi 3 jeux et 4 créateurs. Ces 3 jeux-là, c'est Super Meat Boy. Donc, les acteurs, c'est Edmund McMillan et Tommy Avalon. L'autre jeu, c'est Fez. Et le réalisateur, c'est Phil Fish et Braid de Jonathan Blow. C'est quoi, en fait, peut-être pour les gens qui connaissent pas les jeux, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel genre de jeu c'est? Oui, c'est 3 jeux indépendants qui ont été des jeux de plateforme, en fait, essentiellement. Les 3 jeux se ressemblent pour leur style. Mais c'est surtout, en fait, ce qu'on suit, c'est dans les 2 premiers cas, dans le cas de Super Meat Boy et de Fez, on suit vraiment les 7 derniers mois avant le lancement du jeu. Tandis que Braid, le concepteur du jeu, nous raconte son histoire, mais bien quelques années après. Et Braid a été un succès de jeu vidéo indépendant là, très important au début du Xbox Live. Excellent. Et là, on commence ça comment, ce film-là? Est-ce qu'on y va directement dans le vif du sujet? On a quand même une intro pour nous présenter. Bon, ben, l'industrie du jeu indépendant, c'est ça, la réalité, c'est ça. Puis après ça, on embarque dans ce petit côté réalité-là. Non, il nous montre vraiment, c'est comme une chronique, comme un journal intime, mais vraiment filmé. Donc, on suit essentiellement les concepteurs des jeux au fil de la création et au fil de la fin de la création. Et c'est ça qui nous permet de mieux connaître soit leur influence, c'est quoi leur désir artistique qu'ils cherchent à faire. Donc, les 3 cas sont vraiment différents. C'est ce qui rend la chose intéressante dans le style dans lequel le documentaire est présenté. C'est vraiment axé sur la parole. Donc, c'est les trois groupes s'échangent la parole au fil des 7 mois qui s'écoulent. Et il y a vraiment ce qu'on appelle l'hétéroglossie, donc le mélange de la parole, dans le style de Brault et de Perrault, ce qu'ils faisaient là dans les 2 grands documentaristes québécois. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est ça que j'avais demandé. Est-ce que là, on est dans tout le temps, comment je peux dire ça, l'entrevue, on a les gens assis, bon, mais nous, on a fait ça, on a quelques oui. images, ou on est aussi dans le feu de l'action? Ouais, il y a du talking head, donc vraiment, là, les personnes qui nous parlent, mais les intervieweurs sont vraiment absents, sauf à une reprise, parce que ça devient vraiment très intense. Donc, on rentre vraiment dans la bulle des réalisateurs qui on le voit, sont très asociaux, là, ils l'avouent très bien, qui ont sacrifié leur vie sociale pour créer leur jeu. Et c'est ça, là, à un moment donné, tu vois vraiment qu'avec le stress qui monte vers la fin, ça devient vraiment très touchant. Et on voit, il y a vraiment des choses qui ressortent assez incroyables, là, des désirs de suicide et des choses comme ça. Ah ouais? Jusqu'à ce point-là. Là, si je finis pas le jeu, je vois pas pourquoi je continuerai. Je viens de passer les 5-6 dernières années de ma vie à faire ça. Ça, c'est dans le cas de Phil Fish, qui est un Montréalais, soit dit okay. en passant, qui a fait Fez, qui était extrêmement connu pour son démo, puis que ça y a pris 4-5 ans à cause de plein de problèmes, qui explique dans le film. Et on comprend un peu et qui vient. Mais finalement, ça c'est très bien réussi dans son cas. Là. C'est ça, c'est pas des. Ça finit que sans vendre le punch, mais si les auditeurs connaissent les jeux, ils vont savoir que c'est des succès là, sur Xbox. Donc, OK. En fait, moi, une autre question que j'ai pour toi par rapport à ce film-là, c'est qu'est-ce qui. Comment je pourrais dire ça? On sait que ça va être un attrait spécial pour les geeks comme nous, là, les ludo-geeks, là, si on peut les appeler comme ça, parce que ça va parler de jeu. Mais face à un documentaire, ce qu'on peut dire standard, là, entre guillemets, là, c'est quoi les attraits de ce documentaire-là par rapport à d'autres? Bien, on découvre vraiment des personnalités fort intéressantes. Les quatre personnalités ont vraiment des désirs de création artistique vraiment importants. C'est vraiment ça l'intérêt. Par exemple, dans le cas de Jonathan Blow, de Braid, lui, il a travaillé 22 ans dans les grandes compagnies de jeux vidéo avant de décider lui-même de partir lui-même sur ses lubies, sur tout ce qu'il avait imaginé au cours de ces années-là. Donc, on voit vraiment le sacrifice que ces gens-là ont mis. Tu vois que dans le cas de Super Meat Boy, un des créateurs, il dit, ben, si mon jeu se lance pas ce jour-là, ben, j'ai plus d'argent pour vivre. Il dit, moi, je suis rendu au bout de la corde, là, j'ai plus rien. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment le sacrifice pour des jeux. C'est ça, ils ont sacrifié plusieurs années de leur vie et on sait jamais si ça va vraiment réussir à la fin. Là, dans le cas de Jonathan Blow, tu nous dis que lui, il a travaillé dans l'industrie du jeu. Est-ce que justement, pendant ses interventions, il nous fait des comparatifs, il va nous parler de l'industrie, mainstream, comparé à ce qu'il vit dans le film? Non, lui, il raconte vraiment d'un point de vue externe par quoi il a passé, puis c'est quoi un jeu vidéo qui indépendant qui réussit. Donc, lui, au moment où le film a été tourné, lui, il avait déjà il avait réussi, et c'est plus, il devient plus important quand c'est quoi réussir. Donc, qu'est-ce qui vient après la réussite quand tu es un créateur de jeux vidéo indépendant? C'est vraiment ça. Donc, on voit les deux premiers cas, ils sont dans le rush pour finir leur jeu, tandis que l'autre, il a réussi, il a les moyens maintenant de créer ses propres jeux vidéo indépendants par lui-même, parce qu'il y a un coussin monétaire assez important. Là. Ça a été, dans le cas de Braid, ça a été un des jeux vidéo indépendants les plus vendus de l'histoire. Là, j'imagine que là, on parle de jeux vidéo, là, on parle en plus du rush, du chaos, un peu que tout ça amène, là, quand on est dans cette situation-là. Est-ce que le montage nous rapporte ça un peu? Est-ce qu'on est dans cet esprit-là avec le montage? Oui, c'est ça. On parlait des talking heads tantôt, mais ça reste pas uniquement aux entrevues. Ces entrevues-là viennent vraiment être mêlées avec des images les images filmées, mais aussi avec des exemples cités. Donc là, quand on va parler des influences, ils vont mettre les influences. Donc pour quelqu'un qui est pas un gamer, ça va pouvoir les intéresser. Ils vont savoir de quoi on parle. C'est pas juste lancer des noms de jeux vidéo comme ça au hasard. Ils viennent les intégrer, mais toujours d'une manière originale, non pas seulement là juste de faire référence au de mettre une image de Mario, mais ils vont jouer un peu avec ça. Et ce film-là a justement gagné un prix du montage à Sundance en 2012, je crois, pour leur travail. OK, c'est qu'en plus d'être un film que les geeks vont apprécier parce qu'on entre dans une industrie qui nous intéresse en tant que consommateur puis en tant que joueur, mais là, t'es en train de me dire que les non-initiés vont y trouver aussi quelque chose à se mettre sous la dent? Oui, absolument, c'est ça. Donc, les exemples ou les références un peu obscures qui vont montrer, qui vont dire que ce jeu-là ressemble à Donkey Kong, par exemple, ou à Super Mario, ou il y a une petite référence à La princesse est dans un autre château. Ils vont les montrer à l'écran. Donc, on joue toujours entre la personne qui parle et de quoi il parle. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et d'une manière très originale et non pas simplement posée, là, comme je l'explique, là, mais vraiment bien entremêlée, là, les deux. Des fois, il y a aussi des exemples, des comparaisons quand on parle de la création indépendante. Par exemple, dans le cas de Braid, on voit que le créateur avait fait tout son design de jeu à peu près dans la première semaine. Puis tout le reste a été de la retouche. Donc, lui, c'est ça, c'était quelqu'un d'expérimenté. Il avait 22 ans dans l'industrie, donc il savait ce qu'il faisait. Alors là, en plus d'avoir justement un montage efficace avec des références claires, on ramène vers des trucs que les gens, des fois, peuvent ne pas connaître, mais quand même, on a des références qui sont montrées à l'écran. Pour ces gens-là, on a du contenu, on a des exemples assez intéressants, justement, au niveau des jeux présentés. Écoute, j'aurais envie de te demander, là, combien sur 10 tu donnes à ce documentaire-là, Diego? Ah, il n'y a pas beaucoup de défauts à ce documentaire-là. C'est difficile avec les étoiles, mais j'irais avec un 9 sur 10 parce que la perfection est inatteignable. C'est vraiment un des documentaires sur les jeux vidéo très original. Généralement, ce qu'on nous présente, ça va toujours être le Talking Head avec des vieilles images de Mario et toujours, on va toujours revenir sur les faits marquants, les milestones, si on veut, là, de l'histoire du jeu vidéo. Sans rentrer vraiment dans des sujets un petit peu plus différents, là, comme là, la création d'un jeu vidéo, ou dans d'autres cas, par exemple, juste avant, je voulais juste dire où on pouvait trouver ce documentaire-là. Parce que c'est pas accessible dans les peu de clubs vidéo qui restent. Il est disponible sur Netflix pour les intéressés, ceux qui sont abonnés. Sinon, il est aussi on peut l'acheter sur Steam, ce qui est assez intéressant. Ah, c'est le fun. Oui. Donc, et quand on l'achète sur Steam, il y a une version de luxe avec des behind the scenes et là des bonus features là, comme un jeu vidéo. Excellent. Donc, il y a un package là-dessus. Excellent. Donc, disponible sur Netflix ou sur Steam. Et là, avant de terminer ta chronique, Diego, tu voulais nous parler d'un autre documentaire rapidement, encore, qui va plus parler de l'histoire des jeux vidéo. Oui, c'est juste un petit clin d'œil rapide sur un documentaire, un petit coup de cœur que j'ai vu sur YouTube récemment. C'est Tetris from Russia with Love, de la BBC, fait en 2004. Donc là, on parle, comme je disais tantôt, un documentaire classique, reportage télévisuel, en anglais, les talking heads, donc les têtes qui parlent. Mais dans ce cas-ci, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on retourne sur les traces du jeu Tetris. Donc on va parler avec les créateurs russes. Donc, c'est fort intéressant. Là. Tetris est un classique. Puis, c'est sur une chaîne sur YouTube. Je vais mettre les liens sur la page Facebook de Puissance Maximale. C'est sur la chaîne Game Documentaries. Il y en a d'autres aussi sur Final Fantasy, sur l'histoire du jeu vidéo en général. Excellent. Et là, en terminant, Diego, moi, j'ai une question pour toi. On a parlé de documentaires sur les jeux indie. Est-ce que ce genre de documentaire-là, ou en tout cas qui peut s'apparenter à, on peut retrouver quelque chose, mais sur l'industrie, disons, mainstream? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le genre qui est sorti? Il y en a quelques-uns. Sur YouTube, il y a plusieurs exemples qu'on peut trouver sur la création des jeux. J'ai pas d'exemple de documentaire là, vraiment plus cinématographique là, et non pas télévisuel, là, simple reportage documentaire que l'on voit. J'ai pas d'exemple. Donc, les gens pourront trouver quelque chose style reportage télévisuel. Il y en a des dizaines et des dizaines sur YouTube. Ouais, sur mais ça reprend les grands faits marquants du jeu vidéo. Qu'on a souvent entendu déjà, de toute façon. Ouais, que le gamer, que le geek va connaître. Mais si ça peut intéresser les non-initiés à s'intéresser, c'est une ressource gratuite et facilement accessible. Excellent. Donc, Diego nous parlait du film Indie Game The Movie, sorti en 2012, et un peu rapidement aussi sur YouTube, que vous pouvez trouver Tetris From Russia With Love, de la BBC. On rappelle qu'Indie Game The Movie est disponible sur Netflix et sur Steam. Merci beaucoup, Diego, de nous avoir parlé encore une fois d'un petit côté académique du jeu vidéo. Merci beaucoup, Diego. Merci à toi. 96.9 CJMD. Wherever she walks, she'll be there. 96.9. Let it ride. When you have who you're flying for.

Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après la côte obscure d'IAM, après M. Diego Lamana qui nous a parlé du film Indie Game, de Movie, et après Clint Eastwood du groupe Gorillaz. Nous revoilà en direct. Et là, on va parler avec M. Luc Biron, un des organisateurs principaux de la convention Jeux Animés 2014, cette année. Bonjour Luc, comment ça va? Ça va super bien, les gars. Comment ça va? Hey, numéro un, parce que là, nous autres, cette semaine, on s'est dit, il faut qu'on parle à Luc, parce que ça s'en vient à grands pas. Nous autres, on est en train de préparer notre venue à Gatineau, comme à chaque année. Là, ça fait combien d'années là que c'est en... Sixième. Ça me rajeunit juste pas, malheureusement. Non, c'est clair. Non, c'est vrai que t'avais l'air plus jeune au début, Luc. Ouais, ben bon, t'sais, déjà, j'ai encore l'air jeune, là. À place de me prendre pour un gars de 20 ans, maintenant, on me prend juste pour un gars de 25, j'en ai 33, tu sais. Ouais, mais t'sais, on voit l'effet... à prolonger d'organisateurs de festivals, t'sais, on voit que ça démolit le physique de quelqu'un. On dirait que tu prends du crack. Ouais, c'est genre, identique. C'est normal. On dit la même affaire de lui, José Wood, puis il en prend pas. Ah non, c'est ça. Et là, cette année, Luc, évidemment, la Puissance Maximale sera de retour en force à Janimé. Puis, en tout cas, il y a des annonces qui seront faites en temps et lieu. Mais là, pour un rappel, pour les gens qui, malheureusement, mais qui vont le faire tout de suite après l'entrevue, là, qui vont suivre la page Facebook de Janimé et aussi le site Internet, tu peux-tu nous donner un peu un aperçu de ce qui s'en vient cette année comme invité? Il va y avoir des morts, vous êtes sûr? Ben oui, mais nous autres, on est là pour propager la nouvelle. Bon, ouais, peu importe les conséquences. Oui, ben, vous avez intérêt à prendre les conséquences. On a le joueur du grenier, mesdames et messieurs. Woohoo! Oh yeah! Le gars avec 2 millions d'abonnés sur sa chaîne, celui qui blaste à peu près tous les jeux vidéo avec un humour sanglant et tordant, eh bien, on les a, les deux, pas juste Frédéric Molas, mais aussi Sébastien Rassi. Les deux vont être là sur place. Ouais, ça va être génial. En plus, ben, on a le testeur Alpha qui commence à se faire connaître, qui est un YouTuber québécois. On a aussi Thierry Bourdon, qui est la voix de D'Artagnan de Sous la Signe Mousquetaire. Il a fait la voix de Ramis dans Albator 84. Il a fait aussi la voix de Lelouch dans Code Geass. Il a fait la voix de... beaucoup trop de voix, en réalité. Il faisait la voix de Thierry, justement. C'est assez ironique dans la planète de la bataille des planètes. Donc, Il a fait des voix aussi dans les Dioscores. Oui, aussi. Il a fait la voix de Jean dans les Dioscores, en plus. Ben, c'est malade. Moi, cette année, je me sens... Parce que évidemment, moi, je vais faire plein d'entrevues avec ces gens-là. Puis là, d'avoir tout beau, de ce beau monde-là, je sens que je vais être très occupé, moi. Oui, mais pourquoi... Attendez, pensez-vous, j'ai vraiment fini, là, des invités, là? Non. C'est juste qu'il faut t'arrêter, sinon tu vas parler jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures, ouais, puis je serais pas capable d'en placer une. Mais là, en plus, j'ai une excusité pour vous, là. Faut être gentil avec moi, là. En plus? Ben oui! Un nouvel invité qui va sortir, là, qu'on a négocié il y a même pas 2 semaines. Mais on va commencer par ceux qui sont déjà là, parce que, quand même. En plus, à Janimé, on est reconnu pour toujours avoir du contenu de qualité. Fait que combien de bandes qu'on avait l'année dernière? C'est une question piège, hein? Oui, c'est une question piège. C'est pas 2. On avait 3 au total. On avait 3 groupes de musique. On avait Roulan, on avait le Pinku Project, puis on avait Noise. Ben oui, c'est vrai. Comment qu'on fait pour que ça soit encore mieux? En rajouter un autre? Non. Les mixer ensemble. Encore meilleur. Donc, cette année, on a l'Orchestre de jeux vidéo symphonique. Oh yeah! Qui est-ce qui aime pas voir un orchestre de jeux vidéo avec 40 personnes qui vont jouer de la musique de jeux vidéo, puis d'animé, puis d'affaires de science-fiction geek? En tout cas, les gens de Puissance Maximale vont être très contents d'être présents. Oui, en plus, on a Press Start to Play. Ça, c'est un groupe de musique de jeux vidéo. Vraiment très bon en 8 bits électroniques. Oh yes! Fait qu'ils jouent ça sur place. Ça va être vraiment génial. Puis en plus, ça c'est le vendredi. Puis le vendredi, en plus, on a un autre concert qui est avec Oshifuru, qui est un groupe japonais qui est déjà venu dans la région de Québec, qui sont vraiment bons, qui vont être là sur place. Fait que vous n'avez pas un groupe, deux groupes, vous avez 3 groupes pour la fin de semaine pour un total de 44. Déjà juste là, ça vaut la peine. OK, puis en plus, c'est ça, ces groupes-là, c'est compris dans le prix d'entrée? C'est compris dans le prix d'entrée. Il n'y a pas de surplus comme avec Noise l'année dernière, parce qu'on avait dû mettre un surplus, on n'avait pas eu le choix, quand même, là. Ça arrive, là, effectivement, mais Noise venant directement. Japon, du pays des samouraïs. Cette affaire-là, là. Mais ça nous a mis sur la carte, au moins. Puis, grosso modo, il y a ça. Puis, encore là, on a quand même des invités costéreurs. On a deux Raphaël, justement, qui vont être là en tant que cosplayers québécois. Ceux qui vont être là sur place. On a aussi, on a toujours Julien Manterne qui va être là, vous le connaissez si bien. Oui, notre chroniqueur BD qui va venir faire des niaiseries à Gatineau. Oui, directement, parce que là, en plus, pour le show du Gros Baka, le testeur Alpha va être avec, va être jumelé avec Julien Menton et... Et je posais être là aussi, là. Oui, bonjour, garçon, ça sera arrangé plus tard. On va se guérir. Puis, bien entendu... Je suis sur le cas des scripts, d'ailleurs. ...tournoi, en plus. Qui est-ce qui veut pas gagner une Xbox One puis une PS4 gratuite? Écoute, moi-même, là, avoir le temps de participer au tournoi là-bas, j'y participerai. Ben, le tournoi de Vanguard donne une PS4. Le tournoi de Magic Seal donne une Xbox One. Écoutez, si vous êtes bon aux cartes, là, qu'est-ce que vous faites au mois de janvier à pas être à Gatineau? Ça, ça vaut la peine. Il va y avoir d'autres annonces pour le tournoi de Yu-Gi-Oh! À venir. On essaie d'avoir un extra Venga, mais si ça marche pas, ben on va avoir quelque chose. Le carton Magica va s'arranger pour donner quelque chose. Mais j'imagine, Luc, que tout ça va se passer dans votre superbe salle de jeu. Bien entendu. Et la salle de jeu va être rehaussée cette année. Parce que Naruto You, en tout cas Naruto Sun and Lightning, a décidé de passer de l'équipement pour la salle de jeu, particulièrement des consoles modernes. Il va arriver avec des projecteurs, des affaires de ce genre-là. Fait qu'on va, ça va être bonifié du côté de jeux vidéo en plus. Ben déjà que la salle de jeu vidéo, justement, est assez solide d'année en année. Là, c'est en plus, vous bonifiez ça. Oui, on bonifie ça parce que on a une alliance. Donc, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle. Il y a eu une compréhension de ce qui s'est passé. Puis Mike veut aider Jérémy à réussir. Il veut faire... Parce qu'on a eu des problèmes avec Naruto You, puis Mike a tenu à s'excuser pour Naruto You. Donc, il vient faire ça gratuitement. Il demande pas une crise de scène, mais il demande le transport, puis c'est le parking, là, ce qui est tout à fait... c'est légitime. Oui, non, regarde, je ne vais pas lui demander de payer de l'argent. il demande ça, puis regarde, tout ce qu'il demande, c'est ça, puis j'ai rien à dire. Ben, tant mieux que ça s'arrange. Ben oui, non, c'est une affaire. J'étais un bel enfantillage, puis lui avec, là, il a compris ça. Justement, un bel exemple de coopération qui peut arriver entre deux conventions dans la même région. Oui, tout à fait, oui. On espère voir ça à Québec un jour. Je sais pas de quoi tu parles. Je me demande, hein. Donc, c'est ça. Puis là, mais en plus, mais là, vous voulez l'exclusivité, hein. Ben, on attend. On attaque ouais, que ça, là. Ben, combien vous m'envoyez à mon compte de banque, les gars, là? Écoute, puisque nous sommes un collectif de bénévoles... Ouais. J'ai un restant de chocolat d'Halloween. ouais, je pense que je vais le prendre. On te l'emmènera en janvier. Bon, mais non, sans blague, on a Anna Davis. C'est qui, ça? Si je dis « It's raining men », est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça reste une cosplayeuse. Ben oui. Ah, voilà. Mais une grosse cosplayer, c'est une cosplayer qui a été, qui est connue, qui a en haut de 25 000 personnes qui la suivent sur Facebook. Elle fait des costumes super écœurants, elle fait sa collection de vêtements rave avec. Mais elle est aussi connue parce qu'elle a participé à des photoshoots avec Monica Lee puis Jessica Nigiri à Comic-Con New York, entre autres. Ah, excellent. Puis là... Elle fait vraiment des beaux costumes, c'est à voir, puis elle est super gentille en plus. Donc, elle va être là sur place. On a aussi notre cosplayer canadienne qui s'appelle Kitsuki Yuri. Les bio vont être disponibles d'ici peu. C'est une master qui a plein de prix et qui est bien connue dans la région de Toronto. Puis, faut pas oublier, on a toujours aussi notre volet mode avec Cric puis Pomme qui vont être là. Mais on rajoute aussi notre cosplayer canadienne qui est connue internationalement qui s'appelle Christina, qui est super connue sous le nom de Canmé, qui est super cool en passant. Puis super sympathique. Donc, on a tous ces trois-là qui vont être là dans le côté. Puis, bon, bien entendu, on a nos artistes avec Geogic, Elisa, puis bien entendu, il y a Yves Bourga avec qui va être là sur place. Donc, on a plein d'invités encore une fois, puis il va y avoir une programmation qui va tout déchirer. Plus nos invités de jeux vidéo qui est Michael Larouche, Chuck, dans l'enseignement Chuck Traduction, Terminus Traduction, puis Hubert Corriveau qui travaille pour Edios Montréal. Fait que ça va torcher. Justement, j'avais une question. J'avais une question pour toi, Luc, sur les activités. Je sais que vous êtes en train de monter la programmation. Vous avez même mis en ligne ça. Je trouve ça vraiment le fun, là, quand même, pas mal à l'avance. Une programmation déjà temporaire là, qui est disponible pour les gens sur Internet. Oui, bien là, il va rester la programmation de diffusion française à régler, ce qui est pas tout à fait réglé. Là. On a rajouté nos titres. On a quelques sous-titrés qui ont été pris. Puis là, on va avoir nos DVD prochainement. Je fais la commande en fait pour. Puis c'est... c'est ce qui va rester après, ben là, ça va être les autres, ça va être les grosses activités là, qui restent, ben non, les activités mineures qui restent à placer justement, parce que la mascarade est déjà placée, le concours d'AMV est déjà placé, le G-Idol est déjà placé. En tout cas, ça avance de ce bord-là, puis on va avoir beaucoup de choses de prévues. Justement, pour les gens qui ne connaissent pas encore Janimé, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On peut faire un tour rapide des activités qu'on connaît, là, les plus célèbres de ce genre de convention-là. Il y a bien évidemment la mascarade. Oui. Qui va être là cette année de retour. C'est un incontournable. Et là, tu as nommé aussi G-Idol. C'est quoi G-Idol? G-Idol, ben, ça se dit assez bien avec le mot, si vous n'avez pas encore compris. C'est comme un American Idol, mais G, c'est pour Janim. Puis le reste, ben, c'est un concours d'idol en de chansons de japonais. Et finalement, il y a un concours, puis ceux qui chantent le mieux, ben, ils gagnent des prix. Ils gagnent ça, puis ils gagnent la possibilité d'être sur stage l'année prochaine. Alors, quand c'est vraiment un concours de... ben, on va le dire, c'est un concours de chant. Non, mais c'est vraiment que de la chanson japonaise. Exact. Okay. J'accepte le coréen aussi, je pense, des fois. Ah, OK. C'est bon quand même de le savoir. Évidemment, un incontournable d'une convention comme ça, c'est la salle marchande. T'as-tu des... Ben, écoute, c'est dur d'avoir d'annoncer des nouveautés comme ça, peut-être en salle marchande, là. Mais du côté de la salle marchande, t'as-tu des nouveautés en tant que telle? Pas vraiment. Quelques nouveaux marchands qui rentrent, qui ont remplacé d'autres marchands. Mais en règle générale, on manque de place pour... J'ai une demande plus élevée pour les marchands. Donc, j'ai toujours le droit de trier mes marchands sur le tas. Donc, c'est toujours... Ah, c'est un beau problème, c'est qu'on est populaire comme ça. Oui, non, c'est ça. Ben, on pourrait être plus populaire, j'aurais un petit peu plus de monde, je pourrais mettre plus de marchands. Mais j'aurais d'autres problématiques, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais on l'attaque, la salle. Les marchands, là, l'avantage de Janimé, c'est que la population est assez grosse pour que ce soit intéressant pour les marchands, mais il y a beaucoup de marchands. Fait que la compétition est terriblement féroce. Vous savez comment je pack la salle des vendeurs? Oh oui, ça, je m'en rappelle. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, des îlots de 13 à 14 tables, il n'y a pas de problème, je suis capable de faire ça. Donc, les tables sont cadrées au maximum, ils sont mis dans des espaces super restreints. Donc, vous promenez là-dedans et c'est terrible. Pour le marchand. Parce que vous pouvez aller faire le tour et dire, j'ai vu ça de l'autre côté, fais-moi un prix, ou je vais aller vérifier qu'est-ce qu'il y a d'autre. Puis il faut que le monde vende, surtout le dimanche. Là, je vais vous garantir, si vous voulez faire des ventes, là, vous gardez votre argent le dimanche, vous allez dealer, vous allez voir, ça va partir. Mais moi, ce que je trouve intéressant de Janimé, c'est malgré, parce que là, on s'entend, c'est comparé à, disons, à Comic-Con à Montréal, c'est vraiment pas le même genre de grosseur de salle, mais on a quand même un excellent choix au niveau des produits. On a du steampunk, on a évidemment beaucoup de trucs reliés à l'animé, on a du jeu de rôle, on a du DVD, on a du livre, on a vraiment de tout. Moi, habituellement, c'est vraiment difficile de rentrer dans cette salle-là, dans le sens où faut que je me retienne de trop dépenser. Ça, c'est une des salles sans face que je trouve les plus intéressantes à chaque fois que je sors en convention. Oui, encore là, le Comic-Con est quand même plus grand que moi, puis ceux qui viennent magasiner dans la salle de Janimé sont toujours satisfaits. Il n'y a personne qui chiale après le désolation de Janimé. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'il est un peu petit, qu'il est étroit, oui, mais il y a une raison pourquoi il est étroit de même. Il s'est fait volontairement pour que, justement, le monde affrète. Puis, bon, vous voyez, c'est un peu un trait d'une stratégie, mais ça fonctionne très bien. Puis les marchands sont heureux, puis les acheteurs sont heureux parce qu'ils peuvent aller chercher vraiment, comme je dis, ce qu'ils veulent, parce que la compétition est féroce. Il n'y a même pas les restants de table, là, hein, pour venir à Janimé. C'est du nouveau stock parce que c'est le deuxième plus gros festival au Québec. Puis il faut qu'il se force. Puis il n'y en a pas d'autres entre-temps. C'est ça qui est drôle avec dans le procédé. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui achètent du stock juste avant Noël. Puis pouf, ils se débarrassent ça pour Janim. C'est que là, on a un bon choix quand on se rend au festival. Puis là, Luc, autre question justement. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il faut s'attendre encore à une super programmation au niveau du visionnement? Parce que je sais que quand je vois là-bas, à Janimé, il y a tout le temps du choix vraiment intéressant c'est au niveau de ce qui est projeté. Là. Je vais respecter, moi, je vais donner le secret à tous les festivals qui veulent bien l'entendre. C'est-à-dire aucun, au bout de la ligne, parce que sinon, à Takuto, on l'aurait fait depuis longtemps. c'est le cas, bien entendu. C'est simplement que nous sommes axés vers un contenu français. Et justement, comme nous sommes axés vers un contenu français, les Français licencient les meilleurs animés. Ils vont pas licencier quelque chose qui est genre pervers avec les boules en premier. Non, ça, c'est en quatrième lieu, ça. En premier lieu, c'est les blockbusters. En deuxième lieu, c'est justement les films un peu plus intellectuels. Parce qu'il y a une demande pour ça. Oh, oui, tout à fait. Mais il faut dire que... Des personnes qui ne piratent pas, c'est des personnes aussi qui vont l'acheter, point. Donc, à cause de ça, ils sont très nombreux et les compagnies font de l'argent avec les ventes de DVD par année. Fait qu'ils n'ont aucun problème avec ça. Mais il faut dire aussi que justement, le public au niveau de l'animé puis du manga, oui, c'est un public généralement jeune, mais il vieillit ce public-là, puis aussi la vieille garde qui est là, qui demande de la qualité aussi. Il y a pas juste ça, il y a une question d'éducation, et je crois franchement oui. que du niveau francophone, on est déjà beaucoup plus éduqué niveau manga, à cause justement de la sélection manga française. Ouais, mais c'est juste triste, parce que s'il y aurait des DVD français, on en achèterait beaucoup plus facilement, il y aurait peut-être moins de piratage aussi vers le côté anglais, puis Crushing Rose pourrait bien plus en arracher dans le procédé. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont voir du streaming légal sur Crunchyroll, puis en réalité, même certaines personnes le savent, qu'il est légal sur Crunchyroll, mais ça va le chercher en fansub anglais, parce que Crunchyroll, tout est américanisé, les traductions sont moins bonne qualité. Puis c'est vraiment dommage dans le procédé, parce que la réalité de la chose, c'est que ils ont souvent une alternative qui est gratuite, parce que en français, il y a Wakanim.tv, qui fait une meilleure job que Crunchyroll, c'est même pas drôle. Là. Je veux dire, quand t'achètes ton fichier légalement pour 2$, là, j'avoue que c'est une bonne affaire. Mais de toute façon, avec, moi... Puis Wakanim n'a pas peur de licencier des séries spéciales. Je vous garantis, il y a une série que vous voulez aller voir en sous-titré, ça va être Kill la Kill. C'est okay. sur la bonne drogue, ce truc-là. Comment t'as dit ça? Kill la Kill. Moi, je la connais pas, la série. Ben, je te conseille d'aller voir sur Wakanim. Je vais te dire, ben franchement, c'est une direction artistique assez spéciale. Et puis, c'est fait par les mêmes personnes qui ont fait Gurren Lagann. OK. Puis c'est un peu, puis c'est Gainax là, qui a fait ça dans le procédé, puis c'est pervers un peu, mais ça s'assume, puis c'est n'importe quoi. Bon, au moins, ça s'assume. Bien. Oui, ça s'assume avec du n'importe quoi. Ah, c'est bon. Mais de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, niveau doublage, niveau traduction, francophone a toujours été meilleur. Je trouve que les Américains, quand ils font du doublage, c'est sans âme. On les sent pas vraiment incarner le personnage. On les entend juste plus, lire c'est le texte. Hein. Ça fait que moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est en japonais sous-titré ou en français, de mon côté, en tout cas. Ouais, même en sous-titres, moi, les sous-titres anglais sont bannis chez nous. Ah, ça fait que tout bien. Justement, en passant, je mets en vente mes DVD de Casherson en anglais, en Blu-ray. Et si quelqu'un ne veut pas les prendre, je vais les lancer à la catapulte. Ah, c'est bon, ça. Oui, parce que je vais avoir la version française qui sera mieux traduite et beaucoup plus fidèle. En fait, la version américaine de Funimation est tellement massacrée que les versions fansub sont mieux traduites. Et voilà, Luc Biron, fidèle à ses principes encore une fois. Écoute, Luc, il va falloir déjà se quitter. Rappelle-nous rapidement les dates de ton événement, mais aussi, on va en profiter pour dire combien ça coûte. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est le 24 au 26 janvier, par contre, 2014. Faut pas oublier, les préinscriptions finissent le 31 décembre. Donc, allez vous préinscrire, c'est 40$ la préinscription. C'est à la porte. Et puis, bien entendu, le plaisir dans tout ça, c'est que, bien entendu, vous allez avoir droit à un paquet de choses qui n'est pas disponible dans aucun autre festival au Québec, même au Canada. Donc, ne manquez pas ça. Puis, il y a les chambres d'hôtel sont aussi disponibles sur le site web de Génimé. Vous avez 3 hôtels officiels. Vous avez pour tous les goûts et tous les prix. Je veux dire, ça commence à partir de 115$ la nuit à tarif fixe. Excellent. Hey, merci beaucoup, Luc. Et de toute façon, en plus, les gens ont la chance de te rencontrer et de rencontrer l'équipe de Puissance Maximale qui sera présente. Et que ça représente. Puis en plus, là, mec, tes affaires soient réglées, là, on va avoir une petite annonce à faire là, pour Puissance Maximale à Janimé. Oui, sûrement. Sur ça, je vous laisse, messieurs. Merci beaucoup, Luc. À la prochaine. Mais oui, à la prochaine, certainement. En tout cas, si on peut pas se parler avant, ce sera au mois de janvier. Et vous avez entendu M. Luc Biron. Moi, j'adore parler avec ce gars-là. Il est tellement enthousiaste. Moi, je l'adore. C'est le fun quand on... Pas moi. Non, toi, on le sait. Ouais, mais toi, c'est à cause que tu y parles plus souvent que nous autres. Moi, quand je parle, c'est pour la business. On peut dire ça comme ça, là. Puis, mais quand t'as un gars de même dans ton festival, c'est sûr que ça crée des frictions parce qu'il prend de la place. Mais maudit que tu sais que c'est mené par un gars passionné. Puis il manque beaucoup de ça dans beaucoup de festivals, partout, pas juste au Québec. Là. Du monde comme Luc, là... Non, c'est sûr, je lui enlève pas. Sa passionnitude. Tu peux juste dire passion, ça fait. Sa passion, c'est bien correct. Donc, merci. Ouais, mais c'est passion plus. Ça. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir parlé. Et maintenant, M. Castegan, après cet exposé, ma foi, des plus... volubile, on va dire ça comme ça. On va aller en musique et on va aller entendre le Nalban avec le Laridé du poulet. Et vous entendez ça à CJMD 96.9 Lévis. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. C'est le laride et du poulet, dansez, dansez si vous le pouvez. C'est le laride et du poulet, dansez, dansez si vous le pouvez. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Jamais assez ne vous méfiez de ce gentil gallinacé. Jamais assez ne vous méfiez de ce gentil gallinacé. Mais peu de gens pourront parler pour ceux qui lui ont résisté. Mais peu de gens pourront parler pour ceux qui lui ont résisté. C'est lui l'engeance des poulaillers, un monstre sournois et rusé. Bien qu'au pointube est cassé, et votre vie ne tient qu'à un dé. C'est lui l'engeance des poulaillers, un monstre sournois et rusé. Bien qu'au pointube est cassé, et votre vie ne tient qu'à un dé. C'est le laride et du poulet, dansez, dansez si vous le pouvez. C'est le laride et du poulet, dansez, dansez si vous le pouvez. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Mais il vaudrait mieux s'en méfier, à mort il peut vous picorer. Quand vous rêvez de le plumer, il ne pense qu'à vous étriper. Quand vous rêvez de le plumer, il ne pense qu'à vous étriper. Si vous essayez de pioncer, il vous réveille au jour levé. Si vous essayez de pioncer, il vous réveille au jour levé. Maximal.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après le laridé du poulet du Naël Band. Et là, il est temps de passer en nouvelle ludique. Mais juste avant, on va vous parler, moi et Andrew, du party d'Halloween du Fanamanga. Je m'en vais. Et voilà, il quitte où on est allé samedi dernier parce qu'on est occupé. Là, vendredi, on faisait un party privé là, pour personnes triées sur le volet. Et triées, dans le fond, il y avait un côté les gens le fun. Et l'autre côté, ben, les gens moins le fun. C'est ça. On va dire ça comme ça sans faire de développement. Sympathique, mais moins le fun. C'est ça. Bien sûr que le monde sont sympathiques quand ils ne parlent pas. Bref, on va parler du Fanamanga parce que le lendemain, on est retourné en mode Halloween, en tout cas dans mon cas. Oui, parce que moi, j'étais un zombie. Oui, c'est ça. T'es un zombie puissance maximale. On est allé au party d'Halloween du Fanamanga. Et écoutez, c'était vraiment cool. Il y avait des belles activités. C'est sûr que nous autres, on est plus vieux. quand même, la moyenne du public était plus jeune un peu. Mais c'était. Je trouve ça drôle parce que tu dis ça, mais je suis comme, ouais, c'est à cause que j'ai juste 25. Là. Mais on est plus vieux que la moyenne du monde qui y vont normalement. Ouais, c'est bon. C'est ça que je veux dire. Je suis pas rendu à temps. À mon vénérable âge de 30 ans. C'est ça, t'sais, j'ai 50 moins tout de même. Et là, on est allé là, et c'était vraiment plaisant. Il y avait un service de photos. Qui était animé par notre ami Annie Brassard. D'ailleurs, qu'on salue et qui était très content de nous voir. On aime ça, nous autres, se faire accueillir par un squelette joyeux. C'est ça. Ben, il y avait plein de monde qui était content de nous voir. Elle était maquillée, là. C'est pas un vrai squelette, là. Il n'est pas peur. Ça, c'est niaiseux comme remarque, Endo. Je sais. Bon, c'est bon. Mais si t'en refais une autre, là, je vais te lancer mon pad de notes. Je me demande comment ça sonnerait. Moi, je sais comment ça sonnerait. Tout croche. Donc, c'est ça, on a vu Annie qui faisait des photos gratuites du monde. Super gentil. Évidemment, Isabelle Drolet, Putrefaction, qui était là. Ben, évidemment, les gens du Salamanga qui animaient la soirée avec divers concours. Il y avait de la musique. Il y avait... Des bubble tea. Des bubble tea et autres produits de la boutique. Des bouteilles d'Aloise. Moi, c'est ça. Moi, je suis pas allé. Je suis pas allé consommer au comptoir. Il y a trop de monde. Des bonbons. Il y a trop de monde qui venait me parler. Du monde qu'on rencontre, des gens qu'on voit en convention habituellement, là, entre autres. Mais c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Certains de nos fans. Oui, mais il y avait beau, c'était que rempli de nos fans. Là. D'ailleurs, on a eu de la misère à rentrer tellement ça se bousculait aux portes. Mais en fait, c'est la sécurité qui voulait pas nous laisser rentrer. Non, c'est ça. Qu'un pirate, c'était trop louche. Un pirate accompagné d'un roux avec une enregistreuse, c'est louche. Surtout qu'on ne l'a même pas sorti, finalement. Non, finalement, ben, on la traîne toujours au cas. Ah, d'ailleurs, je veux remercier Jenny et Sonia, qui nous avaient invités à l'événement, qui font un travail... C'est ça que j'aime, en fait, de Fanomanga. Oui, c'est une boutique de trucs japonais. C'est la seule boutique spécialisée comme ça dans la région, à Québec. Mais c'est aussi une gang qui organise des trucs qui sort de son magasin, qui veut inclure toute la communauté, finalement. T'sais, ils sont pas... Tu vois que les filles, ils veulent pas juste avoir une boutique pour vendre du stock. Ils veulent qu'il y ait du monde. Ils veulent que les gens découvrent la boutique, mais aussi découvrent cette culture-là. Sans faire ça, moi, je capote sur ces filles-là. Puis leur façon de faire le business, c'est vraiment le fun. Ils adaptent aussi. Je viens juste penser au Warp Zone, là, que c'était adapté pour la clientèle du Warp Zone. Là, ouais. Qui faisait des bubble tea alcoolisés. Ouais, ça, c'était... J'étais très content de voir ça. Le gars de party que je suis... Et je suis bien content. Et c'est à ce moment-là que je me disais, pourquoi je conduis? Ouais, mais c'est toujours ça le problème. En tout cas, dans ton cas, parce que moi, je ne conduis pas. Justement, c'est ça le problème, mec. Faudrait qu'on règle ça. C'est bon. Tu me paieras les cours de conduite et Dieu nous garde quand je serai sur les routes du Québec, mesdames et messieurs. Surtout que tu veux pas te pratiquer. Non, je peux pas me pratiquer en plus. Mais bref, un événement réussi. C'était vraiment le fun. J'espère qu'ils vont en refaire d'autres. Puis en plus, ça collait. C'était un spécial zombie. Malheureusement, moi, je n'étais pas zombie parce que moi, les masques et le maquillage à l'Halloween, c'est non merci. Et moi, j'étais pas maquillé ou quoi que ce soit. Je ressemblais déjà assez comme ça. T'étais déjà zombie. Je errais dans l'événement. T'étais déjà zombie. Pas donc, assez d'heures de sommeil. Donc, on était très contents d'être là. Un événement réussi, encore une fois. Félicitations à Sonia et à Jenny, puis à toute l'équipe qui était là pour l'organisation. Merci beaucoup. Salutations à M. Maxime Girard, qui a aidé à l'organisation, un de nos amis qu'on a rencontré en convention. On va y aller, là, prendre la bière à un moment donné. Oui, Maxime, nous serons bientôt avec toi pour consommer. Ouais, en fait, il voulait venir parler à l'émission, pour parler... il nous en a parlé pour parler... organisation d'événements, vu que Maxime est partout, là, il s'occupe d'inviter à New York, à Montreal Comic-Con, à Québec. Je pense qu'il est allé à Ottawa aussi, je pense. Oui, je pense aussi. Ou s'il n'a pas participé en tant que... C'était une question de transport s'il n'est pas allé, je suis pas mal certain. Non, c'est ça. Ça fait que Maxime est très, très, très impliqué. C'est vrai qu'on voulait l'inviter pour en parler, puis on en profitera pas. On pourrait l'inviter la même journée qu'on parle de bière, finalement. Éric, prends des notes. Oui, c'est ça. Prends des notes. Bref, un gars vraiment cool qu'on va inviter à l'émission prochainement. Donc, voilà, c'était pour l'activité de Fanomanga, qu'on rappelle, qui est sur la rue du Pont à Québec, qui est une boutique spécialisée. On vous invite fortement à vous y rendre, entre autres pour bien manger, parce qu'il y a des onigiri. Leurs onigiri, là. Sont délicieux. S'il y a bien un des points majeurs qui me manque du fait qu'on soit rendu à Lévis, c'est les onigiri du Fanomanga. Oui, parce qu'on était à Sequoia avant, puis c'était tout près. du Fanamanga. On avait une petite fringale. Quand je pognais pas de trafic, là, puis j'étais capable d'arriver assez tôt, là, je faisais un stop par là. Voilà. Donc, si vous passez par Québec, c'est un pour les amateurs de culture japonaise, mais même ceux qui veulent découvrir plusieurs aspects, autant au niveau culinaire que culturel, ben, c'est un incontournable à Québec. Et voilà, c'est dit. Hey, Monsieur Castegan, continuons en nouvelle ludique. Oui, donc, première nouvelle, Blaze Blue Chrono Fantasma, jeu de combat en 2D avec des graphiques hyper impressionnants de style animé, est sorti au Japon il y a plusieurs mois, d'ailleurs. Et ben, finalement, il a été annoncé que ce jeu allait sortir des frontières nippones et sortir au Canada et aux États-Unis. Hourra! Et on parle du 14 mars avec une édition proposée à $80. Par contre, l'édition à $80 vient avec une figurine, un artbook, une trame sonore, un Blu-ray avec des films, parce qu'il y a beaucoup de séances vidéo avec Blaze Blue, et je crois d'ailleurs qu'il y a eu un animé qui est sorti après un certain temps, donc vous allez avoir des éléments exclusifs au jeu, et bien sûr, le jeu. Pour ce prix-là, par contre... Pour 80$? Pour $80. Sans faire, ça a bien de l'allure, pour 20$ de plus. Et en plus, le jeu va contenir deux DLC déjà fournis, plus 5 nouveaux personnages versus la version standard. C'est qui fait ça, ce jeu-là? Arxis, si je me trompe pas. Il semblait aussi que ça ne peut pas être Axis. Capcom. Axis. Il semblait aussi que ça ne peut pas être Capcom avec autant de goodies pour 80$. Mais à date, on ne parle pas à date sur la nouvelle s'il va y avoir une version standard dans les alentours de $40 ou $50. OK, c'est à date, là, c'est à date, cette édition-là. C'est la seule édition qui est annoncée. Ben, pour tout ce qui est à faire, je trouve que ça a bien de l'allure, surtout le genre... surtout le genre de jeu que c'est, là. Puis il est très populaire, ou en tout cas, moi, quand je vois dans justement les conventions, là, il y a toujours une TV, il y a Blaze Blue, il y a la version sur PS3 qui joue. D'ailleurs, ouais, une des deux versions. Là. Ouais, est-ce que c'est marqué si ça va sortir sur les nouvelles consoles ou... Pour l'instant, on ne parle que de PS3 et de Xbox 360. D'accord. Mais parce qu'il y a déjà sorti il y a plusieurs mois au Japon. D'accord. Sinon, autre nouvelle? Ben, en fait, j'en ai une nouvelle pour toi, M. Castegan. Vous savez qu'on s'est plaint beaucoup que Grand Theft Auto Online avait des ratés au début du mois d'octobre et que Rockstar a décidé qu'ils allaient sortir ce qu'ils appellent un paquet de stimuli, en fait. C'est qu'ils vont injecter dans tous les comptes des personnages online des joueurs qui ont joué au mois d'octobre la coquette somme de $500,000. Ça, on en avait déjà parlé. Mais ça a commencé aujourd'hui. J'ai vu des tweets passer tantôt. Et ça a commencé aujourd'hui sur PS3. Donc, ceux qui sont PS3, vous pourrez surveiller vos comptes de Grand Theft Auto Online. Évidemment, là, c'est étape par étape. Là, ça peut être pouf partout dans le monde, one shot. Là. Mais surveillez vos accounts. Ça a commencé parce qu'il y avait une update qui est sortie hier pour le jeu. Pour vraiment arrêter le problème de l'auto qui disparaît. Parce que ça arrivait des fois, j'explique rapidement, Grand Theft Auto Online, vous arrivez dans le tutoriel du début, vous vous pognez une auto, vous le faites plaquer à votre nom, puis vous prenez des assurances, puis c'est votre auto à vous. Mais certaines personnes, quand ils déconnectaient ou il y avait des problèmes de serveur, ben l'auto disparaissait. Puis il n'y avait plus le retour. Donc, le dernier patch aurait réglé ça, puis il attendait ce patch-là pour pouvoir donner l'argent aux gens. Donc ça s'en vient tranquillement, votre $500,000, messieurs, dames, donc, pour vous acheter une auto, la modifier, un petit condo et un garage. En tout cas, moi, c'est ça que je vais faire dans Grand Theft Auto Online. Et c'est commencé aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Andrew. Un DLC gratuit pour Saints Row 4 ferait sa sortie aujourd'hui. Volition veut faire un petit cadeau aux joueurs de Saints Row 4 qui a bien sûr participé au succès de la franchise depuis qu'ils ont pris le flambeau sur la marque. Et le DLC s'appelle Thank You, tout simplement, et contient des nouvelles tenues pour votre personnage, et on parle dans le fond d'une tenue popstar twerky, qui est très clairement inspirée de Miley Cyrus. Un smoking, une tenue post-apocalyptique, et un t-shirt de remerciement pour avoir sauvé l'univers. Ouais, parce qu'on rappelle, dans Saints Row 4, il y a des extraterrestres, ce qui m'a fait, quand j'ai vu le jeu, j'ai fait, yeah, je l'aime bien, la franchise Saints Row, mais quand j'ai vu des extraterrestres, je fais, ça va-tu trop loin? Juste pour te donner une idée, le t-shirt, c'est genre « I save the damn universe and all I got is this stupid t-shirt ». Ah, c'est bon, ça. Bien passé. Sinon, une autre nouvelle. On parle souvent du Humble Bundle. Et lui qui sort actuellement est ma foi très solide. On parle du Humble Bundle Warner Brothers Studios. Un bundle, dans le fond, pour la maudite somme de... T'as-tu dit la maudite somme? Maudite somme. Moi, j'ai compris la maudite somme. J'ai compris maudite aussi. J'ai dit maudite, OK? La maudite somme. La maudite somme. De ce que vous voulez. De ce que vous voulez, mais si vous voulez avoir la totale des jeux, on parle de approximativement 5$. Vous allez avoir Fear 2, Fear 3, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Scribblenaut Unlimited et Lord of the Ring War of the Nord. Et, North. Dans le sens de le Nord. Ouais, c'est ça, là. Puis, prendre note aussi que... Je parle anglais toute la journée, là. Laisse-moi une chance. Ah oui. Puis les deux Batman, faut prendre note que c'est la Game of the Year Edition, donc vient avec tous les DLC associés au jeu. Je me disais justement, v'là pas long, je fais, j'ai pas Batman Arkham City. Je le disais justement quand Julien en a parlé la semaine passée, je fais, faudrait que je me le pointe. Là, ça arrive comme ça, c'est le destin, mesdames et messieurs. Ils t'ont entendu, à mon avis, je vérifierais si ça n'aurait pas des micros chez toi. Ah, c'est ça, Warner Brothers m'espionne. Non, Humble Bundle. Non, Warner, ils ont fait des pressions sur Humble Bundle. Ils disent, Mike Michaud veut Arkham City, arrangez-lui de quoi. Je suis pas sûr. Il n'y a pas une scène faite de quoi. C'est pour moi, en fait. Est-ce que ça sonne l'achat? Ah oui. Mais il y aurait juste Arkham City à Saint-Pierre. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de nouvelles dessus, mais si vous aimez la série de jeux Worms, le Weekly Humble Bundle, et si vous allez sur le site Humble Bundle, vous avez un deuxième petit onglet qui est un Humble Bundle qui change à chaque mois. C'est thématique Worms. Donc vous avez, j'aime ça, les Worms. Donc, vous avez la totale en passant du jeu classique jusqu'au jeu de golf des Worms. Hourra! Oui, il y a un jeu de golf. Calvasse. Bref, allez, il faut toujours surveiller le site d'Humble Bundle. Et, en fait, il faut pas... En fait, je suis abonné à leur liste de courriels. Newsletter, allez vous abonner à ça, vous allez avoir des belles surprises comme ça. Donc, Humble Bundle, Warner Brother. En plus, c'est pour la bonne cause. En plus. Donc, avant de continuer en nouvelles, on va y aller en musique, M. Castegan. Je peux pas prendre une dernière nouvelle rapide. T'es mieux d'être rapide. Pour dire, la console Ouya a atteint le cap symbolique de 500 jeux disponibles sur leur App Store. Donc, console à succès médigé, c'est un cas de MMPA. Mais ils ont atteint quand même 500 jeux. Faut bien falloir trouver une façon de la tester, cette console-là. Ben, je connais quelqu'un qui en a une. Faudrait que j'essaie de me timer pour dire, je m'en vais boire de la bière chez toi et on essaie la Ouya. Mais non, c'est pas Eric. Non, je sais. Non, sinon, on serait déjà là. Mais bref, le marché de jeux de la Ouya est quand même en santé. C'est ça que ça veut dire. Excellent. Merci beaucoup, M. Castegan. Et là, on va l'entendre, une chanson qui déménage. Ça s'appelle Te quiero puta de Rammstein. Oh oui, c'est en espagnol, mais c'est Rammstein qui chante. Vous allez voir, c'est assez solide. C'est devenu une de mes chansons préférées du groupe, pour vrai. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Horoscope, offre d'emploi, actualité et musique entraînante. Deux toasts et demi le matin, du lundi au jeudi, 8h. CJMD FM. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Vous aimez ça? Ben, en voulons encore! Est-ce qu'on était bien de le voir au monticule? Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le sundae. Je suis content de mon ouvrage et mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. En semaine, du lundi au jeudi dès 20h, ne manquez pas les Rois du sport avec Valier Roy et ses chroniqueurs. La comptabilité vous donne des maux de tête. Baudry Dawson Service Comptable vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry-Dawson. Service comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas. 418-836-1881. Le temps des fêtes arrive. Qui dit temps des fêtes, dit cadeau. Qui dit cadeau, dit party! Animateur d'expérience pour combler votre soirée, jeu de lumière impressionnant et avec un système de son de 800 watts. À partir de 650$. Discothèque mobile, Animaction, 418-835-7776. Discothèque mobile, Animaction, 418-835-7776. Et voilà! Hey, amigos! Listening to Sans Maximal. Mais Et oui, de retour à puissance maximale après Te quiero puta de Rammstein. Et on va y aller rapidement en nouvelle ludique parce que l'émission est déjà presque terminée, Andrew. Ben c'est ça, j'ai coupé dans mes nouvelles, j'en ai gardé trois. Go, go, go. Premièrement, Namco Bandai, un site pour un nouveau jeu. En fait, il y aurait un site mystérieux qui serait apparu sur les internets du nom de Break Burst. Quand on va dessus, on a juste un petit décompte avec un château en arrière-plan, qu'est-ce qui rappelle beaucoup Soul Calibur. Oh. Donc, avec un prise 2. Fait qu'on a aucune idée pour le moment c'est quoi le jeu et les détails, dans le fond, de qu'est-ce que c'est devrait sortir d'ici 6 jours. Excellent. Autre nouvelle. Last of Us 2 serait dans la liste des jeux PS4. Oh yeah. En fait, il y aurait eu une fuite sur un site qui s'appelle CDON, qui est comme une société sur les sites de vente en Suède. J'ai pas le détail exact. Qui aurait listé, dans le fond, Last of Us 2 sur la PlayStation 4, mais sans image. Ça reste une rumeur. Donc, ça reste une rumeur, mais paraîtrait que il n'y aurait pas eu, dans le fond, là, de démenti. Il n'y a pas eu de démenti, voilà. C'est ça, exactement. Ils ont juste mis la nouvelle sur le site. Ça a été retiré, bien sûr, peu de temps après que ça soit sorti. Donc, on va voir. On va voir, mais ça pourrait être intéressant d'avoir une idée sur le fait que Last of Us serait de retour sur les nouvelles consoles. Et une dernière nouvelle, rapidement. Oui, on a eu l'occasion de tester lors du Warp Zone l'Oculus Rift, oui, qui est le casque de réalité augmentée, pour jouer avec un jeu d'ailleurs qui était God... God Factory, exactement. Merci, j'ai toujours de la misère avec ce nom-là. Hein. Et en fait, la compagnie aurait annoncé, dans le fond, que le casque serait disponible en vente au courant de l'année 2014, oh, car les bêta-tests sur le kit de développement auraient été concluants. Oui. Donc, c'était pas longtemps, c'était assez malade. Juste pour vous dire, dans le fond, ça serait deux écrans qui seraient HD maintenant, donc vous auriez plus le genre de petit flou qui causait certaines nausées chez certains joueurs qui jouaient avec le casque. Dont M. Michaud ici, qui fait du mal de transport. Et un ajout, le casque sera compatible avec les appareils Android. Yeah! Excellent. Merci beaucoup, Andrew, pour cette nouvelle. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Mon nom est moi, et Michael Michaud, votre animateur, qui remercie, en passant, M. Diego Lamana, qui nous a parlé du film Indie Game The Movie. On remercie Chantal, qui nous a encore fait une super chronique, jeu de plateau, jeu de société sur le salon de jeu SN. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été là. On a bien hâte de te reparler, de te voir à Québec, en train de prendre une bière avec elle. Et M. Andrew Castegan à la console, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et Marc-Camille aussi qui était là pour faire des commentaires. T'as oublié de remercier Luc aussi. Ah ben oui, M. Luc Biron, merci beaucoup de me le faire penser, qui nous a parlé de Genimé 2014, un rendez-vous à ne pas manquer, parce qu'en plus d'avoir des super activités, ben on va être là. C'est un incontournable. Ben moi personnellement, je trouve que c'est le principal argument de vente. Oui, tout à fait. Moi, j'effacerai tout sur le site, je dirais puissance maximale est là. Voilà. Voilà, même pas besoin de faire de pitch ou de marketing, pitch de vente ou de marketing, voilà, ça va être fait. Et on vous rappelle rapidement, en fin d'émission, justement, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions podcast, tout est là. Vous pouvez aller également sur la page Facebook de Puissance Maximale, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, d'amour profond. Parce et en que... même temps, ça vous permet d'être au courant de toutes les dernières actualités que nous mettons sur notre page Facebook. Et voilà, donc allez-y tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Allez-y. Allez régler ça. Faites ça là. Et voilà. Et en terminant, mesdames et messieurs, comme à chaque semaine, on vous dit de passer une excellente semaine de jeu. Little harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time.